السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب نسجون إن شاء الله تعالى، نسجون إن شاء الله تعالى. Nous avons parlé, pardon, nous sommes إن شاء الله تعالى ce soir le 26 Shawwal 1428, c'est-à-dire, subhanahu wa ta'ala, attendez une seconde, je ne sais pas quelle date on est, c'est-à-dire, on est le 7 novembre 2007, subhanahu wa ta'ala. Taïb, 7 novembre, alhamdoulilah. Est-ce que vous ne m'entendez pas bien? Est-ce que vous m'entendez pas bien? Non. Si vous m'entendez pas bien, dites-le moi, inshallah ta'ala. Non, si le son. Alhamdulillah. Attendez, je vérifie. On est ici qui allait. Non. C'est normal, inshallah ta'ala. Je disais que, la fois passée, on avait parlé de l'élevation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. Non. Allah subhanahu wa ta'ala était élevé au-dessus de son trône. On avait donné, Inch'Allah Ta'ala, tous les adillah. Tous les adillah. Inch'Allah Ta'ala, on va juste réviser un peu et commencer, bi'idna subhanahu wa ta'ala, quelque chose de nouveau dans la aqida aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de, yani, comment, yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Na'am. Expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, il est avec nous? Non, il est avec nous, et qu'est-ce que ça veut dire, il est avec nous? Voyez, on avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala, pour attester son élévation au-dessus du trône, employait beaucoup de formules. Non, des fois, il cite comme ça l'élévation. Il dit, et il est le très haut, le très grand. Et il est le très haut, le très grand. Wa huwa al-'ali al-'azim. Naam. Des fois, en glorifiant son nom. Naam. Comme lorsqu'il a dit Sabbih isma rabbik. Glorifie le nom de ton Seigneur. Naam. Des fois, en citant qu'il est en haut. Comme lorsqu'il a dit Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Naam. Et des fois, en disant que les choses descendent de lui. Comme il a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Naam. Des fois aussi, en employant la montée des choses vers lui. Comme lorsqu'il a dit dans le Coran, Yudabbiru al-amra min sama'i ila al-ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Naam. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. 32,5. Des fois aussi, il dit, ilayhi yas'adul kalimu tayyib. Vers lui monte la bonne parole. Naam. Il a dit aussi, ta'rujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Donc, il y a une montée. Naam. Et des fois, par une autre formule, en mentionnant qu'il se situe au-dessus des cieux. Naam. Ou bien dans les cieux, c'est la même chose. comme lorsqu'il a dit « A'amintum man fis samai en yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur » Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Êtes-vous à l'abri que quoi? Que celui qui est où est au ciel, est au ciel. Naam. Dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand la personne meurt, on va la faire la monter, on va la faire monter de ciel en ciel. Il a dit jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le ciel où il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih aussi, il a dit que si jamais l'homme yani, demande sa femme et elle refuse, alors les anges resteront en train de la maudire. Les anges resteront en train de la maudire. Dans un hadith, il a dit, si elle se refuse, yani, celui qui est dans les cieux yani, sera courroucé d'elle jusqu'à ce qu'elle se réveille le matin, jusqu'à l'aube. Il a dit quoi? Jusqu'à ce que celui qui est dans le ciel, yani, soit courroucé d'elle. Et qui est dans le ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne la sunna, c'est comme dans le hadith, très connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé sa khutbah, il disait, ai-je bien transmis? Ils ont dit oui, ai-je bien transmis? Oui. En même temps, il pointait son doigt vers le ciel, puis vers les gens, et disait, Mon Seigneur témoigne. On a dit, pourquoi qu'il pointait, yani, son doigt vers le ciel? Et il disait, oh Seigneur témoigne. Naam. Et quant au hadith de la bergère, yani, il est très connu, le hadith de la bergère. Naam. Vous connaissez l'histoire, on l'a dit plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que subhanallah l'adhim, cet esclave qui était analphabète, comme la plupart des esclaves femelles, et en plus était dans la servitude, donc elle était privée de sa liberté, pourtant elle savait que son Seigneur était au ciel. Lorsqu'il lui a dit, alayhi salam, « Aïn Allah », elle a dit « Fils Sama ». Alors que les égarés, parmi les fils d'Adam, contestent cela. Et ils disent, il n'est ni au-dessus, ni au-dessous, ni à droite, ni à gauche. Pire que cela, ils disent, il est partout. Pire que cela, ils disent, il est partout. Et l'un des délits qui me plaît, ou là, qui me plaise, non, il y a un délit qui me plaît beaucoup, beaucoup, et que je ne vois pas, je l'ai encore vu dans un livre, c'est l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas pourquoi il ne cite pas ça, alors c'est un, on ne peut plus clair, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi lorsqu'Allah ta'ala a voulu yani, ordonner la salat, il a demandé à Jibril et Michael aussi dans d'autres versions de le faire monter vers le ciel. Pourquoi il est monté vers le ciel? Subhanallah l'adhim, premier ciel, il a rencontré Adam, alayhi salam. Deuxième ciel, il a rencontré Isa et Yahya, alayhi salam. Troisième ciel, Idris. Quatrième ciel, Youssouf. Ensuite, comme ça, Haroun, Moussa, Naam, Ibrahim. Dernier ciel, subhanallah l'adhim, pourquoi il est monté vers les cieux si ce n'était pas que Allah Ta'ala était au-dessus des cieux? Mais les gens qui ne veulent pas reconnaître cette chose croient que quand on dit il est dans les cieux, on l'a mis dans une place. On a mis Allah Ta'ala dans une place, on dit il est là, dans le ciel, et le ciel qui l'entoure, et lui il est au milieu. C'est comme ça qu'ils croient, Masakin Hadou. Quand on dit Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, ou là dans les cieux, ou là au-dessus de son trône, c'est pour prouver son élévation, qu'il est le plus haut. Il n'y a pas plus haut que lui. Il n'y a pas. Il est le plus haut. Naam. Plus on est haut, élevé, plus yani, on n'a plus d'estime et de valeur que celui qui est au-dessous de nous. Naam. Il n'y a pas de plus haut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus haut. Il n'y a pas quelque chose, ni un ciel, ni le soleil, ni rien, qui soit plus haut. C'est pour ça qu'il dit l'a'la. Naam. Ensuite, on avait cité aussi que tous les ancêtres pieux sont unanimes pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut et qu'il est réellement au ciel. Et si quelqu'un veut lire où se trouve ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs, naam, qu'il lise alors l'ulou, l'il-ali, l'ghafir, l'ghaffar, l'il-dhahabi, rahimahullah. تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. لابا il rapporte, نعم, en commençant par les Sahaba, les Tabi'in, ensuite les grands ulama, commençant par l'Imam Malik, Shafi'i, Ahmed, et tous les fils des Sahaba, etc. Et les grands ulama, يعني, comment qu'ils sont tous unanimes pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Ensuite, quatrièmement, par l'argument rationnel, subhanallah al-azim, seulement par l'argument rationnel, on dit que l'élévation, c'est un attribut de la perfection. Or, si être élevé, c'est un attribut de perfection, donc elle doit appartenir à Allah. Car tout attribut de perfection revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tout attribut de perfection revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on vient de reconnaître que l'élévation, c'est un attribut de perfection. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, awla bihi, awla que les autres. Et enfin, et cinquièmement, c'est quoi? C'est l'argument empirique, subhanallah al-azim, al-fitra. Car il est incontestable et irrécusable que tout être humain, naam, à la conscience innée, reconnaît que Allah Ta'ala est au ciel. C'est pourquoi quand on est surpris par une chose qu'on ne peut pas repousser, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala pour écarter cette chose. Et on a le cœur qui se tourne instinctivement, sans qu'on le veuille, vers le ciel et non vers une autre direction. Subhanallah. Par argument empirique, par fitra, c'est inné en nous. S'il se passe quelque chose de grave ou là, qu'est-ce que on trouve que nos bras se lèvent vers le ciel et notre cœur aussi. Et j'ai cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait, il souhaitait qu'Allah ta'ala change de qibla, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne voulait pas faire la même qibla que, avoir la même qibla que les gens du. Il le, les yeux vers le ciel et le visage, souhaitant qu'Allah ta'ala fasse descendre quelque chose en ce sens. Allah ta'ala fait descendre. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك سبحان الله العظيم الله تعالى lui a dit on voit يعني ta façon de tourner ton visage vers le ciel ou là dans le ciel, voilà, alors dirige-toi vers le Masjid al-Haram. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait son visage vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est du ciel que descendent les choses, descend Jibril et descendent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, même Pharaon lui-même, bien qu'ennemi d'Allah, il a dit à son ministre Qarun, naam, au cours de sa dispute avec Moussa alayhi salam, il lui a dit, tu voulais, bâtis-moi une tour, peut-être à les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse, et je le crois menteur. Donc, ça se voit, on dit les ulama, que Moussa alayhi salam lui a parlé, il a dit à Pharaon qu'Allah était dans les yeux. Alors, Pharaon s'est énervé, et il a demandé à Haman, construis une tour comme quoi, on va voir. Il dit que Allah est dans les cieux. Construis une tour et on va voir, je vais monter moi et je vais le tuer. Subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata. Donc, en son fort intérieur, il reconnaissait qu'Allah Ta'ala existait, qu'il se trouvait dans les cieux. Mais il a nié, comme a dit Allah Ta'ala, wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. 27-14. Naam. Donc, c'est voilà ce que on a dit en grosso modo sur l'élévation de la subhanahu wa ta'ala. On a bien sûr aussi d'autres dalils que je ne vous rappelle pas maintenant. Mais la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que chaque personne qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, d'une façon qui lui convient, on dit il a une aqida muhammadiyya. Il a une aqida muhammadiyya, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il dit pas il est dans les cieux, il a une aqida pharaoniyya. Il a une aqida pharaonique. Naam. C'est Pharaon qui a dit, non il n'est pas dans les cieux. Il a dit à Moussa, non il n'est pas dans les cieux. Donc il faut bien faire attention. Et bien sûr, on doit faire la différence entre yani, et ne pas oublier que quoi, que de nos jours yani, il y a beaucoup de djehl. Naam, le djehl et l'ignorance est partout répandue. Naam, c'est pour ça que autrefois beaucoup de ulama ont dit quiconque ne dit pas qu'Allah Ta'ala est dans le ciel, il est kafir. Et de nos jours, on ne peut pas dire cela, car beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont loin de yani, des préceptes de l'islam, de la science de l'islam, alors que, comme j'ai dit, ça fait peut-être 40 ou 50 ans qu'ils font la prière. Hein, mais il y a des gens qui, ça fait 40 ou 50 ans, qui font la prière, mais n'empêche qu'ils ne connaissent pas ces choses, donc on ne va pas dire à quelqu'un, tu es kafir, alors que miskin, il ne savait pas cette chose. Mais on lui apprend, naam, maintenant, si après avoir appris, yani, lui avoir appris, il renie, il dit non, ça c'est autre chose. Quant au dars d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, on va parler de al-ma'iyya, yani, le fait qu'Allah ta'ala soit avec nous. Tayyib. Une seconde, je vais tuer le micro là. Tayyib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Une seconde, je cherche une personne dans la salle ici. Je ne sais pas si elle est là, cette personne. Hein? Oh. Je ne peux pas chercher, je n'ai pas le temps. Je laisse tomber, maalish. Al-Sharh. Tayyib. Sharah al-Mu'allifu. Sharah, afwan. Sharah al-Mu'allifu. Bi souqi adillati al-Ma'iyya. Il a dit maintenant, l'écrivain. Qui dit ça? Cheikh bin Uthaymin, la yahmou. Parle de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit maintenant Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a commencé à donner les délits de quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Il a dit après avoir donné les délits que Allah ta'ala est élevé. Naam, Allah ta'ala, vous venez d'écouter avec moi tous les délits que Allah ta'ala est élevé. Maintenant on va donner les délits qu'il est avec nous. Il a dit ونسب أن يذكرها بعد العلو et c'est très convenable le fait de citer que Allah est avec nous après avoir cité que Allah est élevé. Il a dit pourquoi? لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد. Il a dit parce que ça peut paraître pour certaines personnes que quoi? Qu'il y a une contradiction. Naam, il y a une contradiction avec le fait de dire que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux et en même temps de dire que Allah Ta'ala est avec nous. Certains gens ne peuvent pas accepter cela. Ils vont dire, puisque vous avez dit que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, comment se fait-il qu'il soit avec nous? Alors choisissez l'une des deux. Il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Ou bien il est avec nous. Choisissez. Il a dit, c'est pour ça que, donc, Cheikh Lahmo veut montrer que, en fait, on peut concilier entre les deux. Et que, bi'idhnillahi ta'ala, il n'y avait pas de contradiction entre les deux. Et qu'il n'y a pas, inshallah ta'ala. Tayyib. Il a dit, al-mabhath al-awwal fi aqsamiha. Premièrement, yani aqsam al-ma'iyya. Les sortes de. Bon, je ne sais pas si vous savez comment on dit al-ma'iyya. Moi, je ne sais pas comment on dit al-ma'iyya. Al-ma'iyyatu. Al-ma'iyyatu. C'est le fait yani, d'être avec, hein, ma'a, avec. Allah Ta'ala n'est pas avec nous. En arabe, on dit ma'iyya. Mais, je ne sais pas comment on dit en français, mais l'essentiel, c'est qu'Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris de ce que je veux parler. Vous avez compris que, yani, apparemment, pour les gens, il y a une contradiction. Comment il est au-dessus des cieux, il est avec nous. Maintenant, on va essayer d'éclaircir au maximum cette chose, et pour que ça soit bien clair dans nos cœurs, et deuxièmement, quand on parle avec les gens, surtout les innovateurs, ou les johal, ou là, pour yani, leur donner les délits, et leur montrer que ce sont eux qui sont dans la faute, et qui sont loin du minhaj sahih. Il a dit, al-ma'iyyatu yani, aqsamuha. Al-mabhath al-awwal aqsamuha. Ma'iyatullah Azza wa Jalla tanqasim ila qismayn. Il a dit, ça se divise en deux sortes. Le fait qu'Allah Ta'ala soit avec nous d'une façon générale et le fait qu'Allah Ta'ala est avec nous d'une façon particulière. Naam, d'une façon générale, d'une façon particulière. Et la façon particulière elle-même se divise en deux. Des fois, c'est par rapport à une personne, Allah Ta'ala est avec une personne, ou certaines personnes, et des fois, Allah Ta'ala est avec certaines descriptions, pas certaines personnes, certaines descriptions. Naam. On va bien expliquer cela. Awalan, quand on a dit général, qu'Allah Ta'ala est avec nous d'une façon générale. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Si vous pouvez chercher la traduction en français, je n'ai pas devant moi. Sourate Al-Hadid, verset 4. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Et il est avec vous, où que vous soyez. C'est à peu près comme ça, c'est moi qui traduis de ma tête. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Il est avec vous, où que vous soyez. Qu'est-ce que ça veut dire, il est avec vous, où que vous soyez? Ça veut dire, il est avec le musulman, il est avec le kafir, il est avec le pervers, il est avec celui qui boit l'alcool, il est avec le fornicateur, il est avec tout le monde. Et il est avec vous, où que vous soyez. Et il est avec vous, où que vous soyez. Vous voyez, c'est la dernière phrase. Naam, il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel, ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Qu'est-ce que ça veut dire ici, il est avec vous où que vous soyez? Naam, ça veut dire il est avec tout le monde, avec le kafir, avec le pervers, même avec les animaux, avec tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire il est avec eux ici? Naam, ça veut dire il est avec eux, avec le ilm, avec son ilm, sa science, et avec... Yani, c'est tout ce qu'ils font. Rien ne peut lui échapper. Rien ne peut lui échapper. Naam. Ça veut dire aussi qu'il les entend, qu'il les voit. Et tous les autres sens de ça s'appelle le fait qu'il soit avec ses créatures d'une façon générale. Allah Ta'ala, donc, est en général avec toutes ses créatures. Mais il est avec quoi? Il est avec sa science. Comme j'ai dit tout à l'heure, yani, naam, et sa vue, son oui, il les entend. Et comme ça, وَيُحِطُ بِعِلْمًا naam. أَمَّا الْخَاسَّةَ quant à la particulière, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, elle est particulière et elle a rapport avec une personne. Et des fois, elle est particulière, elle a rapport avec une description. Je commence par la description. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate An-Nahl 128, Sourate An-Nahl 128, il a dit, Inna Allaha ma'al ladina taqaw, wal ladina hum muhsinun. Inna Allaha ma'al ladina taqaw, wal ladina hum muhsinun. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux et avec al ladina hum muhsinun, disons, et avec les bienfaisants. Alhamdulillah, les bienfaisants. Donc, Dieu est avec ceux qui l'ont craint, ou ceux qui le craignent avec piété, bienfaisant. Regardez, vous voyez la différence entre les deux versets. Dans le premier verset, il parlait qu'il était avec toutes les créatures. Il a dit, il sait ce qu'il monte, il sait ce qu'il descend, il sait ce qui rentre dans la terre, il sait ce qui sort. Ensuite, il a dit, il est avec vous. Naam, il est avec toutes les créatures. Mais dans la deuxième, il est avec ceux qui ont une certaine description. Quelle description? Ils ont la piété, la crainte d'Allah et la bienfaisance. Donc ici, ça veut dire, elle est particulière. Naam, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec certains, yani, il faut qu'ils aient ces descriptions. Il faut qu'ils aient la piété, la bienfaisance, sinon Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant de la particularité. Naam, al-ma'iyya, al-khassa. Et aussi, maintenant, je vais donner un exemple de la particularité qui n'a pas rapport avec la description, mais qui a rapport avec les gens. Avec les gens. Lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, Idi yaqulu li sahibihi, Tawbah 40, Idi yaqulu li sahibihi, la tahzan, inna allaha ma'ana. Idi yaqulu li sahibihi, la tahzan, inna allaha ma'ana. lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son compagnon, pardon, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon, c'est-à-dire il a dit à Abu Bakr, il dit à Rul Sahibi, la tahzan, peut-être ne sois pas chagriné, quelque chose comme ça, naam, la tahzan, inna Allah ma'ana, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Il est avec qui ici? Il est avec seulement le prophète alayhi sallam et seulement Abu Bakr. Naam, il n'est pas avec tous les autres. Bien sûr, avec tous les autres, il est de par sa science. Ne t'attriste pas. Jazakallahu khairan, Ammar. Jazakallahu khairan. Ne t'attriste pas. Naam, la tahzan. Il parle de qui? Inna Allah ma'ana. Tayyib, Dieu fit alors des soldats. Il est soutien des soldats. Vous voyez, il a baissé la parole de Michon. Quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon, ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. Naam, car Dieu est avec nous. Ibn Qayyim Jouziya, je te dis jazakallahu khayran, et je te fais une petite remarque, c'est tout. Essaye toujours de te suffire à seulement yani, ce qui a témoin avec le Dars, pour ne pas que les gens vont penser à d'autres choses en lisant la suite. Quand ils lisent la suite, naam, on risque de les embrouiller un peu. Jazakallahu khayran. Tu te suffis, comme dans ce verset, quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon, ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. Jazakallahu khairan. Donc ici, c'est quoi? Jazakallahu khairan. Ici, c'est quoi? Ici, c'est quelque chose de particulier, la présence particulière, qui a quoi? Qui a un rapport avec les gens. Avec les gens. Naam. Et je crois qu'il y a un autre exemple. Naam. Lorsque Allah Ta'ala a dit à Moussa et Haroun, Taha, Taha 46. Il a dit à Moussa et Haroun, innani ma'akuma, esma'u wa ara. Innani ma'akuma, je suis avec vous. J'entends et je vois. Je suis avec vous. Esma', c'est moi l'audion. Et c'est moi le clairvoyant. Wa ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il est avec ces deux. Pas avec tous les autres. Naam, j'entends et je vois. Je suis avec vous, vous les deux. Comme tout à l'heure. Le prophète alayhi salam et Abu Bakr, maintenant Moussa et son frère, il leur a dit, je suis avec vous. Donc, quand Allah Ta'ala dit, je suis avec X et Y seulement, trois ou quatre personnes, ou là un groupe, naam, ou bien, même si c'est un nombre assez élevé, ça ne fait rien, mais il le dit d'une façon particulière, c'est-à-dire pas en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à part la science, et à part qu'il les entend, et à part qu'il les voit, ça veut dire aussi, je suis là avec mon aide et avec mon secours. Naam. Sinon quoi? Sinon, c'est pas la peine qu'Allah Ta'ala dise au prophète alayhi salam et à Abu Bakr, je suis avec vous. Tout le monde sait que Allah est avec nous. Est-ce que maintenant moi je suis assis ici? Allah n'est pas avec moi, il est avec moi. Vous là-bas, vous êtes en face de moi, Allah est avec vous. Allah est avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que il est avec tout le monde. Seulement, comme j'ai dit, il les entend, il les voit, il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils pensent, il sait ce qu'ils vont faire. Naam. Mais quand il dit à X et Y, je suis avec vous, toi et lui, ou bien je suis avec les bienfaisants, je suis avec les pieux, je suis avec ceux qui font la prière, je suis avec ceux qui m'aiment. Quand il dit comme ça, particulier, ça veut dire que en plus d'eux, il les entend, il les voit, il sait ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a son aide. Naam. Le fait de les aider, le fait de les faire secourir, le fait de les faire triompher. Naam. C'est ça ce qui est très important. Naam. Tayyib. Ici, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est avec vous. Quand il dit, je suis avec vous. Naam. D'une façon particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, la plupart des salafs ont dit ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire l'ilm, la science, il les entend, il les voit, il est puissant, etc. Il a dit, et Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, a dit, il est avec lui. Comment on dit ça en arabe? Haqiqatan. Il est avec nous. Naam. Haqiqatan. Yani, on doit laisser ça. Yani, comme ça, yani, à l'apparence, naam. Mais il a dit, هذه الحقيقة تختلف. Naam, حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى une vérité qui convient Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'un cliché, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Il est avec en vérité, mais d'une façon qui lui convient. Il n'est pas avec moi, subhanallah al-adhim, il est mélangé à moi. Non, il n'est pas avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Mais il est avec moi, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, par sa science, il voit ce que je fais, il sait ce que je dis, ça, ou bien avec son aide et mon secours. Naam, c'est pour ça qu'ils disent فَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِهِ فَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, au-dessus des cieux, et en même temps très très très très proche de moi. Subhanallah al-Azim. Naam, au-dessus des cieux, et en même temps très très proche de moi. Cheikh Islam a donné l'exemple de la lune. Naam, il a dit يقال ما زلنا نسير والقمر معنا وهو موضوع في السماء. Il a dit, نعم, beaucoup de gens disent on est en train de voyager et la lune est avec nous. نعم, la lune est avec nous. Tu rentres une ville, tu lèves la tête, tu trouves la lune. Tu sors de la ville vers une autre ville, tu lèves la tête, la lune. Tu rentres dans une nouvelle ville, tu lèves la tête, la lune. Qu'est-ce que tu dis? Subhanallah al-Azim, la lune est avec nous. Mais est-ce que la lune est descendue en bas, elle est avec nous, elle marche à ma droite ou elle marche à ma gauche, ou bien elle est derrière moi, ou bien elle me tient par la main? Non, elle est là-bas, là-bas, là-bas, très très haut. La même chose, subhanallah al-Azim, ça c'est un exemple. Il a dit, elle est asghar al-makhlouqat. Il a dit ça, la lune, c'est une petite créature. Une petite créature. Une lentille, habba adas. Naam. Il a dit, et regardez comment, en même temps, elle est là-bas, là-bas en haut, et en même temps, cette lune est avec nous. Il a dit, qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si la lune peut faire ça, cette chose, elle peut être en haut et elle est en bas en même temps. Allah ne peut-il pas faire cette chose? Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire cette chose. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ala kulli shay'in qadir. Ala kulli shay'in qadir. Tayyib. Al-mabhath al-thalith. Naam, al-mabhath al-thalith. Hal ma'iyya min sifat dhatiyya min sifat al-fi'liyya. Ah, le fait de dire que Allah Ta'ala est avec nous. Allah est avec nous. Est-ce un attribut de l'essence et de l'entité that, ou bien un attribut de l'acte, le fait que Allah Ta'ala soit avec nous, soit avec les gens, soit avec les créatures. Est-ce un attribut de l'entité ou bien c'est un attribut de quoi? Des actes. Voyez, la réponse, fi tafsil. On doit détailler. Si on parle du fait que Allah Ta'ala est avec les créatures d'une façon générale, ma'iyal amma, donc c'est un attribut de l'essence. Naam, car Allah Ta'ala a toujours été et est toujours et sera toujours, naam, sera toujours, yani, savant de ce que font ces créatures. Et il les entendra toujours, et il les a toujours entendus, et ça restera toujours une chose, yani, en lui, qui ne se détache pas de lui. Car vous savez que la différence entre l'attribut de l'acte et l'attribut de l'essence, ou bien de l'entité, c'est que l'attribut de l'entité, un attribut de l'entité d'être, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'attribut de l'acte, c'est fait fi'liya, c'est une chose que Allah ta'ala, quand il veut la faire, il la fait, il ne la fait pas, il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Elle dépend de la volonté. Donc, al-ma'iyya al-amma, je reviens marche arrière, al-ma'iyya al-amma, le fait que Allah ta'ala soit avec toutes les créatures, de par sa science, naam, de par son oui, de par sa vue, c'est quoi? C'est quelque chose qui a rapport avec l'entité. Et son essence, c'est fadatiya. Ça ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Attention, ça peut tomber dans le concours. Hein. Mais, si on parle maintenant de Ma'iyya al-khassa, le fait qu'Allah Ta'ala soit avec certaines personnes, c'est tout, ou bien avec certaines descriptions, ça devient quoi? Ça devient un attribut de l'acte. Naam. Car si Allah Ta'ala veut être avec moi, avec son secours, son aide, il le fait. Et s'il ne veut pas, personne ne peut le forcer. Donc, cela dépend de quoi? Cela dépend de sa volonté. Et tout attribut qui dépend de sa volonté s'appelle un attribut de l'acte et non pas un attribut de l'entité. Taïb, Muslim, alhamdoulillah, Ibn al-Qayyim et Coran, l'akhar. Est-ce que vous avez compris? Naam, vous représentez, inshallah ta'ala, tous ceux qui sont dans la salle. Est-ce que vous avez compris? Sinon, je réexplique. De toute façon, il y a des questions tout à l'heure. Alhamdoulilah, Hada, il a compris. Muslim a compris, alhamdoulilah. C'est très clair. Il reste une personne qui n'a pas dit. Taïb, alhamdoulilah. Je suis content que ça soit très clair, alhamdoulilah. Al-mabhath al-rabi' hal hiya haqiqa ou la? Naam. Ça, on l'a déjà dit. Naam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, tout était possible. Ah non, cher. On me dit, pour répéter, Alhamdulillah, Alhamdulillah, je répète. Ya Cheikh Wasbak, Ammar Medin, tu ne sais pas comment on dit le Ma'iyya, comment on dit le Ma'iyya en français. Moi, si j'avais du temps, je l'aurais cherché dans le dictionnaire, etc. Mais j'avais pas eu le temps. Parce que déjà, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le Ma'iyya pour expliquer encore. Naam, maintenant, s'ils ne savent pas de quoi je parle, ils ne savent pas ce que c'est, c'est quoi Alil Ma'iyya, ils parlent de quoi. Donc, à quoi ça sert que, disons, de faire le das? Naam. Tayyib. Je voulais dire que, je répète, Al Ma'iyya, c'est le fait que Allah Ta'ala soit avec ses créatures. Naam. Ma'a, on dit en arabe, ma'a, ça? On dit en français avec. Non, on dit en français avec. Tayyib. Allah Ta'ala, le fait qu'il soit avec les créatures, ça se divise en deux. Être avec toutes les créatures, ou bien être avec certains d'entre eux, c'est tout. Non. Si on parle du fait qu'Allah Ta'ala est avec toutes les créatures, c'est donc un attribut de quoi? De l'entité. C'est fait au zat. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, de tout temps, a été toujours et sera et avec toutes les créatures. Naam. Disons, on va appeler ça être avec. Naam, être avec. J'ai pas trouvé autre chose. Disons, si je puis dire, l'accompagnement. Être en compagnie, naam, jazakallahu khair. Disons, l'accompagnement. Pour que vous compreniez, inshallah. Naam, l'accompagnement, inshallah ta'ala, ensuite je chercherai mieux. Jazakallahu khair. L'accompagnement. Le fait que Allah ta'ala, yani, soit avec ses créatures, l'omniprésence divine, par sa science. L'omniprésence divine par sa science. Naam, ma'iyya. L'omniprésence divine par sa science. Tayyib. Allah Ta'ala, le fait qu'il soit omniprésent avec toutes ses créatures, cette omniprésence générale, c'est quoi? C'est un attribut de l'entité, de Zat. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous connaissez un jour où Allah Ta'ala n'était pas, par exemple, présent? Est-ce que vous connaissez un lieu, un état, un moment où Allah Ta'ala n'était pas présent? Il s'est passé quelque chose et Allah Ta'ala n'était pas présent avec sa science. Sa vue et son oui. Ça, c'est du coffre. Si quelqu'un dit oui, c'est du coffre. Donc, puisque cette omniprésence ne se sépare jamais d'Allah, elle est toujours avec lui, elle restera toujours avec lui, donc c'est un attribut de quoi? De l'essence. Quant à l'omniprésence particulière, naam, laissez-moi écrire l'omniprésence, l'omniprésence, tayyib. Tayyib, l'omniprésence. Non, quant à l'omniprésence particulière, le fait que Allah Ta'ala soit seulement avec Abu Bakr et le prophète, qu'il soit seulement avec les gens qui font du bien. Soit seulement avec les gens qui lèvent les mains et l'invoquent. C'est une autre omniprésence particulière. Ça, il n'est pas avec celui qui est dans le bar. Il est avec celui qui a levé les mains et lui fait des doigts. Donc, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il est avec quoi? Avec son secours, son aide. En plus de la science, il est avec son secours et son aide et même son amour à cette personne. Naam. Donc, ça c'est quoi? C'est un attribut de l'acte. Ce n'est pas un attribut de l'essence. Pourquoi? Parce que ça dépend de sa volonté. S'il veut être avec ces gens-là, il est. S'il ne veut pas être, il n'est pas. C'est pour ça que on a vu il y a une année ou deux années, pour ceux qui se rappellent, que pour savoir si tel attribut, il est de l'acte, il est de l'essence, ou bien il est de l'acte, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir est-ce qu'il se sépare de lui, de Allah Ta'ala, ou ne se sépare pas. S'il ne se sépare pas, on dit c'est un attribut de l'essence. S'il se sépare et dépend de la volonté, on dit c'est un attribut de l'acte. Naam. Donc l'omniprésence se divise en deux. L'omniprésence générale, c'est un attribut de l'essence. L'omniprésence particulière, c'est un attribut de l'acte. Coran et Sunna. Dis-moi maintenant, est-ce que tu as compris, est-ce qu'ils ont compris? Naam. Tayyib, on va donner, Inch'Allah Ta'ala, des délits que il n'y a pas de contradiction entre le fait d'attester qu'Allah Ta'ala est au-dessus de son trône et le fait d'attester qu'Allah Ta'ala est omniprésent avec ses créatures. On va donner les délits. Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, le premier délit, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui a dit ça. Moi, quand je trouve ça dans le Coran, ou je trouve ça dans la Sunna, qu'est-ce que je dis? Je dis, Sami'na wa ta'na. Est-ce qu'Allah Ta'ala va écrire quelque chose dans le Coran qui est fausse, ou qui contient une contradiction? C'est impossible. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté dans plusieurs hadiths qu'Allah Ta'ala était en même temps au-dessus de son trône, et en même temps il est avec nous, omniprésent. Donc, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas sur Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui connaît Allah plus que toutes les créatures du monde. Donc, c'est le premier délit. Le deuxième délit, c'est le délit de la lune. Le délit de la lune. Ils ont dit que si maintenant la lune peut en même temps être dans le ciel et en même temps être avec moi, elle est là avec moi en train de me suivre avec sa lumière, masha'Allah, et même elle, je la vois, elle suit ma tête, naam. Ils ont dit, si la lune peut faire cette chose, comment Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire cette chose alors que c'est lui qui a créé la lune? Naam. Ils ont donné aussi l'exemple de, par exemple, maintenant de nos jours, par exemple, quelqu'un prend des jumelles, par exemple, dans une bataille, par exemple, il y a le chef, disons, le général, naam, il va monter sur une petite montagne ou là, il prend les jumelles et ils disent aux autres, yani, aux soldats, allez à la bataille. Ah, ikhlas, rentrez dans la bataille, rentrez dans la guerre, je suis avec vous. Naam, allez. Naam, commencez, je suis avec vous. Je suis avec vous, alors que lui, il n'est pas parti avec eux. Il est à 2 kilomètres loin, en train de les voir avec les jumelles. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'un soldat, s'il revient de la bataille, il peut dire au général que vous n'étiez pas avec nous? Le général va le tuer, l'emprisonner et le tuer. Comment j'étais pas avec vous? Je savais tout ce que vous faisiez avec les jumelles. J'étais avec vous. Donc, il n'y a pas de contradiction. Naam. Et maintenant, plus que les jumelles, il y a je ne sais pas quoi, il y a l'internet, il y a... Naam. Subhanallah l'adim, il reste... Puis refait l'amaliyat dans la chambre où il y a la guerre. Naam. Et la guerre se passe à des centaines de kilomètres plus loin. Et c'est tout ce qui se passe par ordinateur, il voit tout ce qui se passe, c'est filmé, etc. Naam. Donc regardez, il est très loin là-bas, et en même temps il est dans la bataille. Et c'est tout ce qui se passe, il donne même des ordres. À 100 kilomètres, il donne des ordres. Il dit, allez à droite, allez à gauche, revenez en arrière, avancez plus. Il donne les ordres aux avions de tirer, etc. Je donne un autre exemple qui n'est pas cité dans le livre. Maintenant, quand quelqu'un allume la télévision, il voit le speaker ou la je ne sais pas qui est en train de faire le journal, par exemple, de parler de ce qui se passe. Naam. Qu'est-ce que je dis? Je dis, il est là avec moi, ce speaker ou la speakerine, elle est là avec moi, elle est dans ma chambre, Allah l'adim. Mais en fait, elle est là, elle n'est pas là, elle est où? Elle est à 100 km ou la micro-kilomètres dans son pays et dans le studio. Naam, dans les studios. Subhanallah l'adim, elle est à 1000 km et en même temps, je dis, elle est avec moi. La speakerine, le speaker, les joueurs, ils sont avec moi, ils sont dans la chambre. Alors qu'ils sont, subhanallah l'adim, des milliers de kilomètres. Pourquoi on va loin? Maintenant avec le téléphone, quelqu'un te parle ou là, ton frère te dit, attends, je te passe X, je te passe Omar. Il te dit, Omar est avec toi. Ou là, toi, tu demandes à quelqu'un qui te parle. C'est de la part de qui est Baraklofi. Il dit, avec toi, Omar. Avec toi, c'est Omar. Omar me dit qu'il est avec moi et pourtant, il téléphone de je ne sais pas où. Il téléphone de l'Indonésie. Il me dit, je suis avec toi. C'est Omar qui est avec toi. En fait, il n'est pas avec moi. Il est avec moi avec quoi? Avec son sang, hein? Sa voix. C'est tout. Subhanallah. Et maintenant, si des gens peuvent faire ça, le téléphone peut faire ça, l'internet peut faire ça, Allah Ta'ala, yani, c'est difficile pour lui, pour qu'en même temps, il soit au-dessus des cieux, il soit avec nous. Le général, il peut. Il peut être avec les autres en se branchant par internet et je ne sais pas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne peut pas. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de contradiction. Nous, Al-Sunnah Al-Jama'a, Inch'Allah, on dit Allah est au-dessus des cieux et il est avec nous. Au-dessus de ses cieux, avec son entité, Bidatihi, on n'est pas obligé de dire Bidatihi, mais si on nous pousse, et avec nous, de par sa science, sa vue, son entente, il nous entend, son oui, son ilm, son ihata, et comme ça. Naam. Tayyib. Un autre dalil. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, le dalil n'est pas dans le livre. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que il est possible qu'il joigne entre les choses contradictoires, alors que nous on ne peut pas. Naam. Allah ta'ala peut joindre entre deux choses contradictoires, alors nous on ne peut pas. Je donne un exemple. Est-ce que quelqu'un de nous, s'il fait une course, par exemple, il peut être en même temps le premier et le dernier, s'ils sont par exemple 10 à courir. Est-ce que quelqu'un peut être le premier en même temps le dernier? C'est impossible. Sauf s'il court seul, mashallah. On peut lui donner un cadeau, on lui dit tu es le premier. Et on peut le frapper et lui dire tu es arrivé le dernier. Naam, parce que tu es tout seul. Mais maintenant qu'ils sont 10, naam, il ne peut pas être le premier ou le dernier en même temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, huwa al-awwalu wal-akhir. Il dit c'est le premier, c'est le dernier. Subhanallah al-azim. Regardez comment Allah ta'ala peut joindre entre être le premier, être le dernier. Huwa al-zahir, huwa al-batin. Subhanallah al-azim. La même chose. Ici, il peut joindre entre les deux. Être au-dessus des cieux et être avec nous. Naam. Tayyib. Un autre dalil. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyager. Qu'est-ce qu'il disait dans les doigts de voyage? Qu'est-ce qu'il disait? Entre autres, il disait, bon, doigts de taouil, bismillah, ensuite, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Allahumma, ô mon Seigneur, anta sahibu fi safar. C'est toi le compagnon dans le voyage. Ou le khalifa tu fil an. Et le khalifa dans ma famille. Regardez. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam a dit de lui, il lui a dit, tu es le compagnon dans le voyage. Où je marche, je vous voyage, tu es avec moi. À tout moment. Quand je m'arrête, quand je fais la prière. Tant que je suis en voyage, tu es mon compagnon. Et en même temps, tu es, subhanallah al-azim, khalifa chez ma famille. Je t'ai laissé chez ma famille pour les protéger. Subhanallah al-azim. Comment peut-il joindre entre les deux, être avec le prophète alayhi salam quand il fait le voyage et être avec tout voyageur quand il fait le voyage, bien sûr. Et être en même temps khalifa quand quoi quand il fait aussi le voyage. Naam. Nous tous, quand on fait le voyage, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Naam. Quand on a dit, c'est une omniprésence, quoi? Omniprésence générale. Mais est-il aussi avec notre famille, omniprésence particulière? Je ne sais pas pourquoi, parce que si maintenant je vais faire un voyage, peut-être je ne vais pas faire ce doigt, non. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala ne protège pas ma famille, non. Pourquoi? Il se peut que non. Il veut oui, il ne veut pas. Mais maintenant, si je fais ce doigt, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va les protéger. Parce que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, tu es mon compagnon dans le voyage et celui qui protège ma famille en mon absence. Subhanallah al-Azim. Non. Ensuite, quand vous connaissez tous le hadith sahih, que quand quelqu'un fait la prière, quand il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala met son visage en face du visage du prieur. Tous vous connaissez ça. C'est pour ça, il n'est pas bien de regarder vers la droite ou vers la gauche. Il faut bien fixer la qibla et rester toujours dans cette position. Car Allah ta'ala est en face de toi. Il a mis son visage contre ton visage, en face de ton visage. Et quand on dit, on commence à dire. On dit, on dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Hamidani Abdi. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Majjadana Abdi. Majjadani Abdi. Maliki Yawmiddin. Allah ta'ala, il dit, Athna Aliya Abdi. Imaginez, subhanallah, combien il y a de personnes qui font de salat dans les jours, dans le jour. Des millions de personnes font la salat en même temps et dans le jour. Naam. Et pourtant, toi, quand tu parles, tu dis, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala te parle à toi. Il te dit, Hamidani Abdi. Naam, Hamidani, tu m'as loué. Et tu m'as fait des éloges. Et comme ça. Il le dit à toi, à celui-là, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Subhanallah Al-Azim, comment peut-il être avec toutes ces personnes, tous ces musulmans, en même temps, et en même temps, il est au-dessus de ses yeux. Il est en même temps avec tous les musulmans, il leur dit cette chose, ces phrases, quand ils disent Alhamdulillah, et en même temps, quoi, il est au-dessus de ses yeux. Sûrement que la personne qui, lorsqu'elle dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, et fait la salat, et se rappelle que quand elle dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala dit Hamidani Abdi. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala dit Majjadani Abdi. Et quand il dit Malik Yomdin, Allah Ta'ala dit Abdi, mon Seigneur, m'a fait les éloges. Sûrement que cette personne ne va pas lire vite. Subhanallah al-Azim. Car elle sent en son cœur que Allah Ta'ala est en train de me répondre. Moi je parle, il lui est en train de me répondre. Naam, il a honte maintenant qu'il lise comme ça très très vite pour se débarrasser de la salat. Mais il lit comme ça, avec une douceur et lentement. Pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, toi tu parles et lui, il est en train de te répondre aussi. Naam. Ensuite, est-ce qu'il a donné un autre dalil? Il a dit, maintenant on a montré que c'était possible de concilier entre le fait d'attester qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux et en même temps qu'il est avec nous. Là, il a dit, maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on a bien montré ça avec les dalils. Il a dit, d'ailleurs, le wajib, l'obligatoire, c'est de dire quoi? Amantu billahi wa rasulihi. J'ai cru en Allah et j'ai cru en son prophète. Non, en fait, je n'ai pas beaucoup besoin de ces preuves. Moi, je crois déjà en ces choses. Si c'est dans le Coran, ça me suffit. Mais, vu qu'on est faible, vu qu'il y a beaucoup de choubouhat, vu qu'il y a beaucoup de déviements, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées, vu qu'il y a beaucoup d'innovations, il faut, de nos jours, apprendre aux gens ces choses et les prouver avec leur délil, pour que ça s'ancre dans le cœur. Naam, ça s'ancre dans le cœur et ça soit plus yani, facile à accepter. Naam, car certains disent seulement le verset comme ça, mais ils disent, yani, Alhamdoulilah, c'est dans le Coran, c'est tout. Mais il est toujours, yani, il a des choubouhettes dans le cœur. Il a dans le cœur. Et beaucoup lisent le Coran et disent que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Allah Ta'ala est partout. Allah l'adim. Partout, yani, comme nous, comme moi je suis dans cette chambre, lui aussi il est partout avec son essence. A'oudou billah min hadil kalam. Tayyib. Allah, il a dit. Donc on est obligé de prendre avec le verset de son apparence lorsqu'il a dit « Il est avec vous ». Et on doit savoir d'une façon indubitable, yani, où il n'y a pas de doute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce verset ne veut pas dire qu'Allah ta'ala est avec nous sur la terre. Non, ça ne veut pas dire qu'Allah ta'ala est avec nous sur la terre. Lui. C'est pas lui qui est sur la terre. Lui, il est au-dessus des cieux. C'est son oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Son secours, son aide. Non, ce n'est pas lui. Il a dit أَمَّا أَهْلَ الْحُلُولِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا بِذَاتِهِ فِي مَكِينَتِنَا. Allahu Akbar. Il a dit, alors quant à ceux, il y a une secte qui s'appelle الحلولية. Ça, c'est une secte, أعوذ بالله, qui dit quoi? Qui dit que Allah Ta'ala est partout avec nous. Naam. La secte, l'autre secte aussi qui lui ressemble, s'appelle Najjariya et Awam al-Jahmiya. Ils disent Allah Subhanahu wa Ta'ala est partout. Mais cette secte, الحلولية, elle dit que Allah Subhanahu wa Ta'ala se trouve yani, dans les mosquées, dans les marchés, souk. Il a dit dans les bains morts, les hammamat. Il a dit وفي الأقدار والأنتان وأماكن له ورافت dans les dancing, partout Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas avec sa science. S'ils ont dit avec sa science, tous ont dit avec la science. Ils disent non, lui il est descendu yani, du ciel, il est partout avec nous. Ça s'appelle Hululia. Leur grand chef, cette secte, leur grand chef s'appelle Ibn Arabi. Ça s'écrit comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Ibn Arabi. Il s'appelle comme ça, Ibn Arabi. Muhyiddin Ibn Arabi. Il a des livres jusqu'à présent qui se vendent. Comme Fusus al-Ahkam, Fusus, Naam, Tuhfa al-Makkiya. Il a beaucoup de livres qui se vendent jusqu'à nos jours, subhanallah, qui contiennent du kufr clair. Car beaucoup de ulama ont dit de lui c'est un kafir. Beaucoup de ulama. Naam. Et il y a Ibn, attention maintenant ce que je vais écrire pour ceux qui ont l'arabe. Ibn al-Arabi. Vous voyez la différence entre les deux? Le premier s'appelle Ibn Arabi. Il n'y a pas le L. Le deuxième, Ibn al-Arabi. L. Le deuxième, c'est un grand savant. Un grand savant du rite malikite. Naam, min malikiya. Abu Bakr ibn al-Arabi. Et le premier, c'est Muhyiddin. Muhyiddin, ça veut dire faire revivre, alors qu'il a tué le din. Le premier a tué le din et est venu avec les plus grandes bid'a, innovations du monde, dire que Allah Ta'ala est partout. Naam. Le deuxième, c'est un grand alim. C'est un grand alim. Il a ahkam al-Qur'an, il a beaucoup de livres. C'est un grand alim du rite malikite. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, entre parenthèses, c'est que, en fait, si vous revenez à leur biographie, les deux s'appellent Ibn al-Arabi. Les deux s'appellent avec un L. Avec le L. Ibn, regardez, Ibn al-Arabi. Les deux s'appellent comme ça. Avec L. Mais les ulama, Pérons, pour que les gens ne se trompent pas, ils ont dit, le premier, qui est un innovateur, un pervers, ou alors un kafir chez beaucoup, on lui enlève L. On lui enlève L. En arabe, ça veut dire, il n'est plus ma'rifa. Il est devenu une nakira, khlas. On ne le reconnaît plus, on le renie. En arabe, quand on enlève Alif Lam, on a renié. Et là, ils ont dit, regardez les ulama comment ils ont pensé. Pour que les gens ne se trompent pas, l'innovateur, on lui enlève Alif Lam. C'est devenu Ibn Arabi. C'est Ibn al-Arabi. Al-Arabi. Donc le premier Ibn Arabi, Muhyiddin, qui a inventé la bid'a ta'ala et partout avec son entité. Et il a eu beaucoup d'élèves. Parmi les plus connus, Tilimsani, Al-Bastami, Ibn al-Farid, Al-Quwaini, Boulaini, tout ça, ce sont des grands adeptes de son école. J'ai lu que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit que ce Ibn Arabi était mieux que les autres. Il a dit au moins celui-là, il est allé au Hajj, il a fait beaucoup de choses. Les autres, comme Tilim Sani, il ne faisait même pas la prière. Naam. Comme Tilim Sani, il a dit, il ne faisait même pas la prière et il permettait de faire le haram avec sa fille, avec sa sœur. Il dit, c'est pas haram. On lui a dit, c'est pas haram. C'est écrit dans le Coran que ces choses-là, ça ne se fait pas. C'est pas la maharim. Il a dit, les gens ont dit, on a dit, c'est tout. Et on a honte comme ça, les gens disent, c'est dans le Coran, on dit, c'est dans le Coran. subhanallah l'adim. Quelqu'un, une fois, est rentré chez lui, avant de rentrer, ce khabit, ça, Tilim Sani, lui a dit, écoute, laisse le Coran et la Sunna devant la porte quand tu as laissé tes chaussures. Nam, ici, quand tu rentres chez moi, il n'y a pas le Coran et la Sunna. Il adore toutes les choses. Il voit un chien, il se prosterne. Un porc, il se prosterne. Il dit, tout ça, c'est Allah. Tout ça, c'est Allah. C'est comme ça qu'il dit, subhanallah l'azim. Nam, il dit, tout ça, c'est Allah. Subhanallah l'azim. Cheikh l'Islam a dit que hada ibn Tilim Sani, hada subhanallah l'azim, tellement c'était difficile pour lui de vivre dans les pays musulmans, yani les gens le contrariaient, etc., dans sa bid'a, qu'il s'est enfui, il a vécu en Inde, il est mort là-bas. Pourquoi en Inde? En Inde, on adore tout. On adore yani le feu, le rat. Moi, j'ai un ami qui est hindou, c'est un indien. Masha'Allah, yani salafi, il me raconte ce qui se passe en Inde. Des choses yani extravagantes, des choses horribles. Des choses horribles, je ne peux pas vous les dire, mais subhanallah, des choses qui se passent en Inde. Celui-là est allé en Inde pour mourir là-bas. En Inde, il a trouvé, masha'Allah, que ça marchait très bien. Pourquoi? Là-bas, on adorait tout. Alors lui, quand il a dit « Allah est partout » et on adore tout, ça a marché à 100%. Allah l'adim. Un de leurs adeptes s'appelait aussi le Bastami. Très connu, Bastami. Allah, qu'est-ce qu'il disait, sa phrase célèbre? Il disait « Subhani ». C'est pas subhanallah, non. Subhan moi. Subhani, ana. Subhanallah l'azim. Regardez le shaitan. Il dit même pas subhanallah. Il dit subhani, moi. Oh Allahu Akbar. Subhanallah l'azim. Que quelqu'un dit subhani, c'est très grave. Et une fois en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose en ce sens. Laqad yani ab'ada nuj'a ibn Amina. ابن أمينة لما ادعى أي لقد حجر ابن أمينة على الناس لما ادعى أنه لا نبوة بعده. وقال إسكاديس البسطامي الله سبحانه وتعالى يعني الشاتي avec ce qu'il mérite. وقال البسطامي qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ابن أمينة. Vous savez c'est qui ابن أمينة? نعم. C'est qui ابن أمينة? Dites-moi vous qui n'avez pas le point rouge. C'est qui ابن أمينة? J'attends, inshallah ta'ala, votre réponse. Coran ne sait pas ce qui est Ibn Amina. C'est qui Ibn Amina, musulman? Alhamdulillah, c'est qui Ibn Amina? Allahu a'lam. Tayyib, le deuxième, Allahu a'lam. Ah, vous ne connaissez pas Ibn Amina? Alhamdulillah, Allahu a'lam Ibn Qayyim. Jazakallahu khair. Alhamdulillah que vous ne connaissiez pas. C'est un dalil que, alhamdoulilah, vous êtes très respectueux, masha'Allah, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car sa mère s'appelle Amina. Celui-là, le Bastami, il ne dit même pas le prophète, il dit le fils de Amina, Ibn Amina. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il ne veut même pas citer son prénom. La hawla, son prénom, na'am. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit Ibn Amina a vraiment serré sur les gens quand il a dit que il n'y a pas de prophétie après moi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un peu exagéré et a vraiment serré les choses quand il a dit que il n'y a pas de prophète après moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, lui, en parlant de lui, moi et ma clique, Ibn Arabi la clique, on a atteint un statut, un rang, mashallah, on est comme des prophètes. Alors Ibn Amina, quand il a dit il n'y a pas de prophétie après moi, vraiment celui-là, il nous a fermé toutes les portes. Allahu al-musta'an. Allah al-kufr. Na'am, a'oudou billah. Et les gens ont dit plus que cela. Je veux dire, on revient à ce qu'on disait, al-hululiyya hadou, qui disent que Allah Ta'ala est partout avec son essence, les chrétiens sont mieux qu'eux. Les chrétiens sont mieux qu'eux. Na'am. Pourquoi les chrétiens sont mieux qu'eux? Les chrétiens disent que Allah Ta'ala est descendu du ciel et il est rentré dans une seule personne qui s'appelle Jésus. Naam, alhamdoulillah, il est seulement dans Jésus. C'est un coffre moins grand que de dire il est partout. Il est dans le porc, il est dans le cheval, il est dans l'âne, il est dans le dancing, dans les parties intimes de la femme. Il est partout, Allah Ta'ala. Ça, c'est plus grave. Donc dire que Allah Ta'ala est seulement dans Isa, c'est toujours du kufr, mais c'est moins kufr que ce qu'a dit Ibn Arabi Saklik. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Naam. Tayyib. Hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib. Maintenant, il va donner d'autres dalils que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas partout. Et il va donner toutes les ayats et les versets qui ont rapport avec cela. Je laisse cette chose, inshallah ta'ala, pour le prochain dars bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour que vous ne vous fatiguiez pas et compreniez les choses, yani petit à petit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par étape. Et je vous donne, inshallah ta'ala, la parole pour vous poser vos questions. Inshallah ta'ala.